Ce soir mon encre est noire, vous avez filmé notre misère. Pour mieux nourrir la peur de la France, la peur du banlieusard, la peur de l'inconnu. 91 Nta, viens rejoins-moi, je suis un homme comme toi. Ok, ok, apôtrage, yeah. Un, fuck that. Ce soir mon encre est noire, longue vie au rap français. Ne parle pas de banlieue si t'as pas mis les pieds. Ne parle pas de ce que tu connais pas, ferme-la. On n'a pas grandi dans une maison, dans une prairie. On a grandi comme Billy the Kid, sur du Billie Jean, du whisky plein le bide. De l'école à la guerre des gros caïds, du poing au gros calibre, de l'Afrique aux Caraïbes, du shit à la cocaïne. On garde la tête haute du nouvel an à la hit. Ne parle pas de banlieue si t'es issu des beaux quartiers. Si tu vois la délinquance seulement à la télé, viens voir, viens t'asseoir dans mon RERD. Viens voir, viens ces fils de pute de la PRP. Ne parle pas de banlieue si tu vis dans le 16ème. Moi je vis ma énième, embrouillé j'ai la haine. Si la France était mienne, je l'aurais tué cette chienne. Elle a logé toute l'Afrique dans des HLM. Ne parle pas de ce que tu connais pas, je te parle à toi. De tes reportages à deux balles envoyés spécial. Tu connais quoi à la rue, environnement social. De toutes ces mères qui élèvent seules, qui font du ménage. Le taux de chômage explose tous les histogrammes. Le taux de junkie fait flamber le prix du gramme. Tu me crois pas, va faire un tour vers Stalingrad. Tu me crois pas, viens faire un tour dans ma banlieue crade. J'ai grandi avec les bises et les fils. J'suis devenu trop speed, négro. J'ai grandi trop vite, négro. Beaucoup trop d'alcool dans le beat. La rue, c'est le grand suicide. Le saut à l'élastique. Me jeter dans le vide, dans un environnement hostile. Où tout est mélangé, les nègres, les beurs et les gothiques. Musulmans, chrétiens, bouddhistes, brassage ethnique. J'représente la rue, toutes les banlieues, toutes les équipes. Pour la zermite, nourrir sa famille avec le RMI. T'as beau crier famille, tout le monde s'en bat les couilles. Putain, nique sa mère, fais tourner les jantes. On va sauter la banque même s'il faut monter sur un tank. Ok, tu connais beaucoup de smicards qui disent du Ricard. Abonné au bar, voici la France en bas. Voici les vrais Gaulois. Combien de cellules familiales ont volé en éclats sous vos yeux, sous vos lois. J'emmerde Saint-Tropez et Courchevel. Ils nous ont mis trop bas, elle est trop courte l'échelle. Mais comme je suis pas né pour l'échec, de manière licite ou illicite, j'encaisserai mon chèque. Nous on veut juste vivre, nous. Ne parle pas de banlieue si t'as pas mis les pieds. Ne parle pas de ce que tu connais pas, ferme-la. On n'a pas grandi à la Beverly Hills. On a grandi avec Benny Hill sur du Billie Jean, sur les traces de Billy. Béni soit-elle ma famille. Tous mes vrais gars et mes amis, c'est pour le clan du maquis MC Nati. Apôtrage, longue vie au rap français. Longue vie au rap français.